Unité 7, 3A. 1. 2. Pardon madame, est-ce que vous faites du sport ? Oui, je fais de la natation, à peu près une demi-heure par jour. Tous les jours ? Oui, et puis des fois j'en fais deux fois par jour, le matin puis l'après-midi. Et vous monsieur, vous faites du sport aussi ? Oui, moi aussi, mais uniquement le week-end. Je fais du vélo avec des amis. Et vous faites combien de kilomètres ? On fait en moyenne, je sais pas, 30, 40 kilomètres. Mais en semaine, vous ne faites pas de sport ? Non, j'ai pas le temps. 3, 4, 5. Dites-moi, est-ce que vous faites du sport ? Non, non, pas vraiment. Quelquefois, je joue au tennis, mais j'ai pas beaucoup de temps. Et vous, les filles ? Moi, je fais de la gymnastique, 3 fois par semaine. Ben, moi aussi. On fait de la gymnastique toutes les deux. Justement, on doit y aller maintenant. Excusez-nous, madame, on est pressé. Très bien, merci. 6, 7, 8. Pardon, messieurs, dames, est-ce que je peux vous poser une question ? Oui. Alors, lequel d'entre vous fait le plus de sport ? Oh là là, c'est pas moi. Je ne suis pas très sportive. Ben, c'est moi, je crois. Je joue au foot. J'ai les matchs le samedi et les entraînements le mardi et le jeudi. Et vous ? Vous jouez aussi au football ? Ah non, pas du tout. Mais je joue au basket tous les mercredis.